bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous sur Radio Fadjet, l'instant présent, le rendez-vous mensuel consacré au développement personnel. Alors, lors de chaque émission, nous aborderons une thématique spécifique. Aujourd'hui, mécanisme et gestion du stress, une émission que je vais co-animer avec une professionnelle du développement personnel, Dorothée Lacroix, qui est sophrologue et donc instructrice en méditation de pleine conscience. Bonjour Dorothée. Bonjour Jérôme. J'espère que tu es en forme. Très bien. Et alors, bienvenue donc pour ce nouveau numéro de l'instant présent. Alors, 65% des Français sont stressés. C'est le résultat d'une enquête récente invoquant le travail, l'argent, les problèmes familiaux, l'école et les études comme principales sources de préoccupations. Et les plus jeunes ne sont pas épargnés. L'occasion de comprendre dans un premier temps le mécanisme du stress pour ensuite tenter de vous proposer des outils pour tenter de mieux le maîtriser. Alors Dorothée, une première question s'impose. À quel moment le stress apparaît ? Eh bien Jérôme, il n'y a pas forcément de moment particulier où le stress apparaît. On pourrait penser qu'il apparaît lorsqu'arrive quelque chose d'insurmontable ou de compliqué. Eh bien non, c'est un phénomène naturel qui permet à notre organisme de s'adapter aux situations du quotidien. Et ça te surprend si je te dis qu'il peut même être bon pour nous, le stress ? C'est vrai que Dorothée, on entend parfois parler de bon stress. Oui, le stress en fait n'est ni positif ou négatif, mais il n'est pas forcément mauvais. Alors, ce qui ne va pas être bon dans le stress, c'est plutôt sa fréquence et son intensité. Par exemple, le stress est lié à la performance. Par exemple, dans le cas de pas ou peu de stress, je ne suis pas performant. Mais avec un stress d'une intensité correcte et qui ne dure pas, je suis performant. En revanche, un stress trop long et intense, eh bien là, je perds en performance puisqu'en général, je perds mes moyens. Ce n'est donc pas le stress qui est mauvais, mais son intensité et sa durée. Oui, tout à fait, Dorothée. Et on dit souvent qu'il faut justement écouter son corps. Alors, comment le corps peut réagir face à une situation de stress ? Eh bien, le stress étant un phénomène naturel, c'est une réaction en fait d'adaptation face à un danger. Ça nous vient du monde animal. Notre corps, face à ce danger ou cette situation de stress, va physiologiquement s'adapter pour y faire face. Concrètement, et vous l'avez déjà observé sûrement, c'est l'accélération du rythme cardiaque, accélération de la respiration, la digestion va se mettre au repos, les pupilles se dilatent, bref, le corps se met en alerte et mobilise toutes ses ressources afin d'éviter le danger et de prendre la fuite. Alors donc, il semblerait donc que le stress passe par plusieurs phases, c'est ça ? Oui, tout à fait. Le stress se décompose en trois phases. Pour illustrer mes propos, je vais prendre l'exemple d'un étudiant qui entre en période d'examen. Alors, l'étudiant va vivre de grosses révisions, d'accord ? Il va travailler beaucoup, normalement, beaucoup d'heures, et il va entrer dans la première phase, qui est dite la phase d'alarme. Puis, s'il y a d'autres facteurs qui s'ajoutent à ces examens et révisions, comme par exemple, on peut imaginer une dispute avec un ami ou une compétition sportive, eh bien là, l'étudiant va ressentir beaucoup plus de stress, puisque tout va se cumuler. Mais il tient bon. On dit alors qu'il entre dans la phase de résistance, seconde phase du stress. Une fois ces événements passés et que des réponses sont apportées à ces facteurs de stress, par exemple les examens terminés, réconciliation avec son ami, eh bien, le corps va retrouver son équilibre. Le stress retrouve un niveau correct, mais si par exemple ce n'est pas le cas, eh bien, dans ce cas-là, on va arriver à la troisième phase, qui est la phase d'épuisement. Cette phase d'épuisement va s'inviter avec une fatigue, de l'anxiété, des symptômes dépressifs, une baisse de l'estime de soi. Le but, Jérôme, étant bien sûr de ne pas tomber dans cette phase d'épuisement que l'on connaît plus couramment sous le terme de burn-out. Et qui est un véritable souci dans le milieu professionnel actuellement. Oui, exactement. Le stress n'est donc pas nocif et il n'est pas nécessaire de le combattre à tout prix. Il faut savoir repérer les signes et agir avant d'entrer dans la phase d'épuisement. Oui, tout à fait. C'est très intéressant ces différentes phases effectivement du niveau de stress. Alors, est-ce que c'est une problématique que tu rencontres auprès des collaborateurs dans les entreprises que tu accompagnes au sujet justement de la qualité de vie au travail ou encore au sein de tes consultations ? Oui, tout à fait. Le stress est un véritable enjeu de société hein, pour les employeurs aussi. Il est très souvent finalement lié à la gestion du temps et des tâches perso et professionnelles, des processus de décision au sein des entreprises. Donc c'est une difficulté qui est de plus en plus vécue, hein, puisque effectivement on a un nombre d'interactions digitales qui est exponentiel avec le développement du télétravail. Oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'une situation de stress peut être gérée différemment suivant la qualité du sommeil, la présence d'exercices physiques réguliers? Bien sûr, il y a plein d'outils de gestion de stress. Alors, le premier qui est de plus en plus connu et qui, bien sûr, m'intéresse puisque il parle beaucoup de la respiration abdominale, c'est la cohérence cardiaque. Donc, on respire avec le ventre, on inspire sur 5 secondes, on expire sur 5 secondes et on doit le faire 3 fois par jour pendant 5 minutes. Et c'est un vrai atout puisque ça permet de réguler le cortisol, donc l'hormone du stress. Et je crois que tout à l'heure, dans la deuxième partie de l'émission, on fera justement un exercice autour de la cohérence cardiaque. Oui, tout à fait. Ensuite, pour gérer son stress, il y a tout simplement la pratique d'une activité physique régulière qui permet aussi donc, d'abaisser le stress et le cortisol, puisque c'est prouvé scientifiquement que pratiquer 30 minutes d'activité physique permet de réguler le niveau de stress. Alors l'activité physique, hein, on ne sait pas forcément tout de suite s'imaginer pratiquer un sport de façon intensive. Hein. Ce peut être aussi marcher 30 minutes par jour et puis privilégier ses déplacements à pied, comme se rendre à la boulangerie ou ailleurs plutôt qu'en voiture. Ensuite, on a toutes les techniques comme la sophrologie, la méditation, l'hypnose et puis des choses de vie saine tout simplement. Hein, avoir aussi une vie sociale, avoir des loisirs, des passions, rencontrer des personnes, rire. Et puis tenir un journaling aussi, c'est une sorte de journal. Mmh. Voilà. Alors justement, tu parlais de rire, moi j'ai entendu parler de séances de rigologie, qu'est-ce que tu en penses ? C'est pas mal, effectivement, c'est des séances où on rit, en fait. Mmh. Hein. Il y a des yogas du rire, effectivement, j'y ai jamais assisté, mais j'ai déjà pu voir effectivement des vidéos là-dessus. Et c'est un outil, effectivement, de gestion de stress. Alors justement, on en vient donc à la présence de solutions dans la deuxième partie donc de l'émission. On essaiera donc de proposer à nos auditeurs donc de tester certaines pratiques. Mais avant, on va faire une petite pause musicale en écoutant justement des chansons qui évoquent la situation de stress. Et Dorothée, quel a été ton premier choix ? Alors c'est Aliel, Stressé par les gens. Eh bien, on se retrouve tout de suite après pour la deuxième partie de l'instant présent. Je ne t'aime pas. Je fais pas semblant, c'est au moins ça, tu sais. Ne me dis pas merci, merci pour l'honnêteté. Tu veux la vérité, ok. Oh, c'est pas que je t'apprécie pas, c'est pas juste, c'est bien plus que ça. Je parle de toi, des autres et du reste. Parle pas de moi en bien ni en mal, un peu souris en face. Moi en bien ni en mal, on peut sourire en face. Mais tellement je t'aime pas. C'est pas méchant, c'est pas un choix, tu sais. Je sais pas comment dire, reste loin de moi, s'il te plaît. Ce sentiment ne se contrôle pas en vrai. Et moi je suis stressé par les gens. Stressé par les gens. Stressé par les gens, stressé par les gens, Désolé pour ce que je pense, les malaises, les silences. Pourquoi te donnerais-je tant de temps? Je te souhaite de bien manger, mais jamais rien à ma table. On n'est pas obligé de s'aimer. Parle pas de moi en bien ni en mal, un peu sourire en face. Parle pas de moi en bien ni en mal, on peut sourire en face. Mais tellement je t'aime pas. C'est pas méchant, c'est pas un choix, tu sais. J'sais pas comment dire, reste loin de moi, s'il te plaît. Ce sentiment ne se contrôle pas en vrai. Et moi je suis stressé par les gens. Stressé par les gens, stressé par les gens, stressé par les gens, Parle pas de moi en bien ni en mal, un peu sourire en face. Parlez pas de moi en bien ni en mal. On peut sourire en face, mais moi je suis stressé par les gens. Stressé par les gens. Stressé par les gens. Stressé par les gens. Stressé par les gens. Voilà, c'était Aliel, stressé par les gens. Voilà, vous êtes bien sur Radio Fadjet et vous écoutez donc l'instant présent, donc l'occasion d'aborder le développement personnel avec Dorothée Lacroix qui est sophrologue. Alors Dorothée, on va continuer donc à parler de gestion du stress. Dans la première partie, on a évoqué l'importance du stress au quotidien, de son mécanisme. Alors justement, passons à la partie pratique. Dorothée, quel premier exercice peux-tu conseiller à nos auditeurs ? Eh ben, on va tester ensemble la cohérence cardiaque. On en a parlé donc au début de l'émission. Donc, ce qu'on va faire, on va se placer en position assise. Donc, on va arrêter ce qu'on est en train de faire. Et puis, on va s'asseoir de façon confortable en plaçant donc, ses deux pieds au sol, en ayant son dos plutôt droit. Et puis, on va, si on le souhaite, fermer les yeux ou alors on peut fixer un point au sol. Et puis, on va placer une main sur son ventre, parce qu'en fait on va apprendre à respirer avec le ventre, et le fait de placer sa main sur le ventre permet de voir si effectivement on envoie l'air au bon endroit. Donc ce qu'il est conseillé de faire, c'est de prendre une grande inspiration, donc à peu près sur 4 ou 5 secondes, donc par le nez, on fait entrer l'air par le nez, et on envoie l'air jusque dans le ventre, c'est-à-dire que on va prendre une grande inspire. Et en même temps, j'essaie de visualiser un petit peu le trajet de l'air et de le faire donc circuler à la fois dans mon thorax, qui va aussi se gonfler, et ensuite mon ventre également. Donc on ne cherche pas forcément à gonfler le ventre beaucoup trop, de façon trop importante, ce n'est pas le but. Voilà, il faut juste qu'il bouge. Et ensuite, on va expirer par la bouche ou par le nez, selon comment on préfère. Donc pareil, sur 4 ou 5 secondes. Donc en fait, ça donne ça, ces grandes inspires, expire. On inspire et on souffle directement derrière. Sur 4 et 5 secondes. Donc il n'y a pas forcément besoin de fournir un effort dans cet exercice, parce que ça doit se faire de façon la plus naturelle possible. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin de donner des à-coups d'épaule. On n'a pas besoin de devenir tout rouge, de mettre un effort considérable dedans. C'est juste que ça nécessite quand même de porter une attention à l'air qui circule dans son corps et de s'attacher à l'envoyer dans le ventre. Voilà. Donc, je vous laisse vous tester quelques instants. Donc, vous vous replacez bien. On va souffler pour vider l'air. Et ensuite, on va prendre une grande inspiration par le nez, à peu près sur 5 secondes. Et directement ensuite, on va souffler longuement et profondément par la bouche ou par le nez. Et on va en même temps observer ce qui se passe, si mon ventre a bougé ou pas. Peut-être que vous observez en refaisant ces mouvements, donc l'un après l'autre, de grandes inspires et de grandes expires, que ça ne bouge pas forcément. Et c'est pas très grave. Il faut essayer à nouveau de se concentrer. Comme je le disais, c'est pas une respiration naturelle. Donc, ça nécessite de l'entraînement. Et quand on a cette respiration, donc la cohérence cardiaque, eh ben, il est conseillé de le pratiquer au moins 5 minutes, 3 fois par jour. Parce qu'en fait, en faisant cette respiration, on va directement faire bouger notre diaphragme abdominal. Et de cette façon, eh bien, ça nous permet de gérer le stress. Et aussi une sensation de détente quand on la maîtrise de mieux en mieux. Il semblerait que c'est donc l'objectif, c'est d'envoyer donc à partir du rythme cardiaque donc un message au cerveau. En fait. Exactement, c'est exactement ça. Grâce au diaphragme abdominal, en fait, quand on va expirer, c'est à ce moment-là qu'effectivement, eh bien, le message est envoyé, donc, et puis va réguler la volatilité cardiaque, et puis va aussi activer au niveau donc, de notre organisme le bon système, donc celui qui est anti-stress. Donc il faut le reproduire généralement donc, 3 fois par jour. Mmh, hein, c'est ça. Il semblerait que le matin, parce que c'est là, un peu surprenant, donc justement l'hormone de stress est la plus importante. Oui, tout à fait. En fait, on dit même le matin vers 11h, qu'effectivement, c'est là que ça a été observé, que le taux est plus important, le taux de cortisol. Ensuite, c'est recommandé de le pratiquer vers 16h et avant de se coucher. Alors, il faut toujours le pratiquer quand même en position assise ou debout, d'accord ? C'est pas trop recommandé de façon allongée. Il ne faut pas s'attendre non plus à un miracle en quelques séances. Je crois qu'il faut pratiquer la cohérence cardiaque sur le long terme si on veut vraiment avoir un effet positif. Oui, exactement. Après, quand on pratique, déjà si on le fait sérieusement, au bout d'une semaine, on sent déjà les effets. Mmh. Et après, le but étant alors de toujours faire ces 5 minutes, hein, 3 fois par jour, mais aussi de penser à l'activer dans son quotidien. Voilà, de temps en temps, sans forcément s'astreindre aux 5 minutes, mais voilà, de respirer plusieurs fois, je sais pas, avant de s'installer à son poste de travail, dans la voiture au feu rouge, tous les petits temps d'attente un peu perdus, notre vie quotidienne, l'attente aux caisses des supermarchés, dans les transports en commun, voilà. Ou avant une épreuve, et voilà. Peut-être sportive. Et là, ou... Exactement. Wow. Et là, en termes de gestion de stress, donc ça, on va dire que le pratiquer régulièrement, c'est plus pour gérer son stress dans le quotidien, d'accord ? Et on va remarquer qu'effectivement, on va être beaucoup moins dans le système du stress et on va un petit peu ralentir, faire un petit pas de recul. Et par contre, effectivement, on peut l'activer quand il y a une situation un peu stressante, donc un examen, compétition sportive ou quoi que ce soit qui nous stresse finalement, pour lequel, voilà, après ça devient un réflexe. Il faut que ça devienne un réflexe. Voilà, un réflexe. Et il existe, hein, je crois, des applications sur le net qui permettent justement de vous accompagner. Donc si vous êtes un petit peu perdu, pour maintenir ce rythme de 5 secondes d'inspiration-expiration, donc il y a des applications très bien faites sur Internet. Oui, tout à fait. La plus connue, c'est Respire Relax Plus. Et donc, en plus, elle est gratuite. Et effectivement, donc vous avez le programme, il y a différents types de programmes et c'est une bille en fait qui monte et qui descend. Et ça vous permet de respecter le temps d'inspire et d'expire parce qu'au début, c'est pas évident. Mais voilà, après, c'est vrai qu'on prend le réflexe. Voilà, ça devient une habitude. Très bien. Alors, la musique aussi peut être source, effectivement, donc une opportunité de pouvoir être moins stressé. Il semblerait, Dorothée, que tu aies donc une proposition pour cette deuxième pause musicale. Eh bien, je vous propose d'écouter la chanson de Marconi Union. C'est ça. Voilà. Et donc, effectivement, il y a une étude qui a été menée sur le sujet, une équipe de scientifiques qui a mis au point une playlist spéciale anxiété. Et cette chanson, donc, eh bien, permettrait de faire diminuer le stress de 65%. Voilà, et ça s'appelle Weightless. Voilà, le groupe Marconi Union a ainsi travaillé avec des thérapeutes, hein, donc spécialisés en musicothérapie, pour mettre au point donc cette musique capable de réduire la pression sanguine et le niveau de cortisol, comme tu as dit tout à l'heure, donc l'hormone du stress. Alors les arrangements, le rythme, la ligne de basse, tout a été étudié pour que Weightless remplisse son rôle à la perfection. Alors on va écouter, Dorothée, ensemble, un extrait de cette musique. Thank you. Voilà, c'était donc un extrait de cette chanson Weightless de Marconi Union. Donc Dorothée, c'est une chanson donc qui était mise au point pour justement donc pouvoir réduire donc le stress. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est vraiment pas mal, hein. Mm-hmm. Ouais, moi je trouve que ça s'écoute bien. Ouais. Allongé, voilà, allongé sur un canapé. Voilà, pour faire la cohérence cardiaque, voilà, pourquoi pas. Voilà. Et puis dans sa voiture aussi, pour se détendre un peu dans les embouteillages. Oui, c'est ça. Hein. Donc vous êtes bien sur Radio Fadjet, c'est l'instant présent. On est avec Dorothée Lacroix, donc sophrologue, pour aborder donc la gestion du stress. Alors pour terminer donc cette émission, est-ce que tu as quelques références d'ouvrages à nous proposer? Eh bien, moi, je vous recommande le livre de Stéphanie Briand qui s'appelle « L'incroyable pouvoir du souffle ». Alors, Stéphanie Briand, c'est une journaliste et dans ce livre, en fait, qu'elle a écrit, c'est un petit peu de l'expérience par rapport à toutes les capacités que nous offre notre respiration, alors en termes de gestion du stress, et elle y développe donc toutes les techniques qu'elle a elle-même testées. Donc, il y a des exercices à faire. Il y a des choses à découvrir et on se rend compte voilà, donc, que la respiration peut beaucoup nous apporter, notamment dans le stress et l'anxiété. Et puis tu vas nous rappeler donc, l'application pour pratiquer la cohérence cardiaque également? Oui, bien sûr. L'application, donc, je vous redis le nom, Respi Relax Plus, voilà, pour pratiquer quotidiennement la cohérence cardiaque. Donc c'est très, très facile à mettre en place. Et je pense que voilà, c'est un très bon outil effectivement au départ pour s'entraîner à cette technique. Très bien Dorothée. Alors si je devais conclure, hein, il semblerait que le stress donc, n'est pas une fatalité. Il faut écouter son corps, son émotion, se détendre, se libérer donc, du stress négatif et apprécier donc, l'instant présent. Alors on en revient bien sûr au titre de notre émission. D'ailleurs vous pouvez retrouver sur le replay de Radio Fadjet toutes nos émissions. Alors Dorothée, donc, j'aime ces phrases effectivement, qui font du bien. Donc pour résumer cette émission de l'instant présent consacrée au stress, pourrais-tu nous en conseiller une? Oui, c'est cette phrase-ci, respire, tu es vivant, de Thich Nhat Hanh, parce que eh bien, face au stress trop important, il n'y a rien d'autre à faire que de respirer pour équilibrer son corps et abaisser l'intensité du stress. Très bien, donc très bien pour cette dernière donc, phrase donc, qui fait du bien. Alors n'hésitez pas à faire part donc, de vos remarques sous la page donc, de Radio Fadjet et de vous faire part des thèmes que vous souhaitez aborder ces prochains mois. Alors pour terminer Dorothée, plutôt que de mettre le générique de fin de notre émission, tu vas nous proposer une autre musique aussi qui fait du bien. Oui, alors c'est les 21 Pilots et c'est Stressed Out. Très bien, ben on va retrouver donc ton troisième choix musical et nous on se retrouve, ben Dorothée, le mois prochain. Avec plaisir Jérôme. Voilà pour une nouvelle émission donc de l'instant présent. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink. But now I'm insecure and I care what people think. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep but now we're stressed. Smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face. And I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days.